Et l'histoire d'Autochtones d'un matin, là, avec une grève de la faim puis des vérifications fiscales, là. Puis à Place Laurier, en fin de semaine, t'as des Autochtones qui sont allés manifester en plein centre d'achat à Place Laurier contre Stephen Harper. Mais honnêtement, Eric, on va être très honnête. On comprend rien. On comprend rien là-dedans. Bon, ben, regardez, on l'a pas suivi dans le temps des fêtes. Je vais essayer de vous mettre ça bien simple, là, parce que ça, c'est effectivement très compliqué. Il y a une fille qui s'appelle Teresa Spence. Vous l'avez peut-être vue. Elle est chef de la réserve d'une réserve autochtone qui avait fait couler beaucoup d'encre l'année passée, qui s'appelle Attawapiskat. Ok, bon, jusque là c'est pas super à comprendre. Cette fille-là, elle s'est mis supposément sur une grève de la faim depuis un mois. Ok, supposément c'est une grève de la faim. Sauf que là on a appris que finalement c'était pas une grève de la faim. Ça a l'air que c'est une espèce de cure d'amaigrissement. Elle boit du bouillon de poisson. J'ai donné la recette. Ah, comme Rich, bon, cite là. C'est ouais, ça. C'est fait, la même là, fait que c'est une cure d'amaigrissement. Puis bon, on l'a regardé, on dit ok, on peut comprendre qu'effectivement elle sentait le besoin d'aller sur une cure d'amaigrissement. Ça c'est un choix personnel. Ah, puis oui, c'est correct, il faut respecter ça. Sauf que là, elle est partie en croisade, ben raide, puis supposément qu'elle faisait une grève de la faim, et c'était parce qu'elle voulait rencontrer le premier ministre Harper, parce que sa réserve a fait pitié. Puis effectivement, sa réserve a fait très pitié, parce que l'année passée, on avait appris que c'est un village, là, à Attawapiskat, là, c'est une réserve qui a 300 habitations, là, 300 familles qui sont là, à peu près 1500 personnes. Le gouvernement avait constaté, puis il y a eu des reportages, puis tout ça, ça avait fait bien des vagues. Il y avait 25 personnes qui avaient pas d'eau courante, pas d'électricité dans la maison. 25 maisons sur 300, là, c'est 10% du village, c'était épouvantable. Sauf que là, le gouvernement fédéral a dit « Wow, minute ». Les cinq ou six dernières années, on a mis l'équivalent de 52 000 piastres par personne dans cette réserve-là, de l'argent des contribuables. Hey, okay. Okay? Les gens ont investi, ils ont donné beaucoup d'argent. Et là, comment ça se fait qu'il y a du monde à 50... Moi, si je donne 52 000 piastres par tête de pipe dans ta maison, Jérôme, puis en moyenne 5 personnes, ça fait 250 000 piastres. Normalement, avec 250 000 piastres d'une maison, là, t'as moyen d'avoir l'électricité puis de l'eau courante. Je peux quasiment raser puis la rebâtir. Là. Bon, c'est ça. Tu pourrais repartir à zéro. Fait que là, on se rappelle que c'est du monde qui, quand ils travaillent, paye pas beaucoup d'impôts non plus. Là. Fait qu'ils ont déjà un avantage comparatif que toi puis moi, on n'a pas. Là. Exact. Et donc, là, elle s'est mise sur une grève de la faim pour se plaindre que le monde, sur sa réserve, faisait pitié. Il est où l'argent? Et là, c'est ça. Il est où l'argent? Là, il y a eu un rapport qui a été dévoilé hier. Il y avait eu la presse avait mis la main dessus. Le gouvernement, hier, là, était obligé de le déposer. Là, ce qu'on apprend, il y a un rapport de Deloitte Touche qui a été fait. Il y a 80% des dépenses qui ont été faites. Il n'y a pas les pièces justificatives suffisantes. Oh. Puis il y en a 60% des dépenses qui ont été faites sans aucune justification. Oh. Et là, pire que ça, Ezra Levant de Sun News est allé lui fouiller encore plus loin que ça. Il est allé voir c'était quoi les conditions de vie. Elle fait-tu pitié que ça, la fille qui est Saint-Régime, là? Teresa Spence, la chef autochtone qui est devenue l'idole de la gauche canadienne. Parce que pas besoin de vous dire que là, hier, même Québec solidaire était en entente avec elle à Genève. Ben, c'est sûr, elle compte Harper. Mais contre Harper, fait que là, Paul Martin, l'ancien premier ministre du Canada libéral, était rendu dans l'entente avec elle. Justin Trudeau est passé par là. Le NPD est là à tous les jours. C'est une vraie affaire de fou. Là. C'est un gros power de la gauche là, canadienne là, qui est là. Et donc là, on se rend compte que cette femme-là qui se bat pour plus d'argent, c'est quoi ses conditions de vie? Là, on a trouvé que elle et son chum, quand tu calcules tous les revenus qu'ils font avec une garderie, avec ses revenus comme chef autochtone, avec les contrats qu'elle donne en tant que directrice de la réserve, ils font 350 000 piastres à deux points posés. Ça va assez bien, normalement, là. Ouais. Fait que, madame, elle aurait pu se payer une cure d'amaigrissement en Europe, là. Tu sais, c'était pas un problème, là. Mais pendant ce temps-là, donc, c'est les Amérindiens de sa réserve crèvent de faim, quasiment, là. C'est quasiment oui, ça. Oui, c'est ça qui est grave. Ouais. C'est que ce monde-là, là, ils ont pas une scène, puis eux autres, là, elle pis son chum, 350 000 piastres, puis il y a d'autres exemples, là. Un de ses amis, là, qui est gérant de la technologie. Imagine-toi, un village de 300 maisons, il y a un gérant de la technologie à 171 000 piastres par année. Okay. On se rend compte qu'elle a voyagé, elle puis ses amis du conseil de bande, 70 000 piastres de frais de voyage. On se rend compte qu'ils ont mis un fonds de 9 millions de dollars dans un portefeuille en bourse. Et là, ils ont pris 200 000 piastres de cet argent-là en actions, puis ils ont fait des cadeaux, mais ils n'ont jamais voulu dire à qui. Et puis là, je pourrais continuer, là. Des chasses à l'oie qui coûtaient, combien ça a coûté? 36 000 piastres. Ils ont acheté deux Zamboni. Imagine, 300 maisons, deux Zamboni dans le village. Les affaires sont pas si payées. Le monde, pour du monde qui font pitié puis qui n'ont pas d'électricité puis pas d'eau courante. Ça mérite une enquête criminelle, Eric. Ça. Ben, écoute, c'est un scandale. Ben là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Ils ont demandé un rapport d'enquête. Là, ils viennent d'avoir le rapport de Deloitte. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver la prochaine étape. Mais tout ça pour dire que s'ils veulent parler de la condition de vie des Autochtones, parlons-en. Parce que ce qui arrive présentement, pourquoi il y a cette crise-là? D'abord parce que le gouvernement conservateur a déposé un projet de loi, le projet de loi C-45, pour faire de la transparence sur l'argent qui est donné aux leaders autochtones dans les réserves, pour savoir si l'argent va vraiment aux membres qui sont supposés et qui en ont besoin. Mmh. Et là, les autochtones, les leaders autochtones, pas tous les autochtones, le monde qui crève de faim, là, qui ont pas d'électricité puis pas d'eau courante dans la maison, pensent qu'ils applaudissent le gouvernement conservateur présentement. Mmh. Mais les leaders autochtones, là, qui se graissent la patte comme Mme Spence, qui font 350 000 piastres par année pour imposer, eux autres trouvent que ça a pas de bon sens, là, de faire preuve de transparence. Ah, et là, les syndicats, eux autres, qui sont pas les, non plus des grands amants de la transparence, vous le savez, évidemment, ils les appuient dans leur démarche. Ils trouvent ça bien normal que Mme Spence, ils trouvent ça épouvantable qu'elle soit obligée de dire combien est-ce qu'elle gagne puis qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent qui est donné par Ottawa. Et donc, ces gens-là ont fait une campagne, quant à moi, de diversion. Et là, ils ont inventé un prétexte. Là, ils se sont fait une grève de la faim. Là, ils parlent des conditions de vie des Autochtones, que c'est épouvantable, que c'est de l'apartheid. Et they'll no more, c'est exactement ça. Ils sont partis dans une campagne là, de furieux là-dessus. Mais moi, tant qu'à moi, ça, c'est un paravent pour cacher le vrai scandale, c'est la mauvaise gestion des fonds publics. C'est ça, parce que de l'argent, on en donne déjà énormément, mais il se rend pas à ceux qui crèvent de faim. C'est ce qu'il faut retenir, puis là, on cherche l'argent, puis on en trouve plus. C'est exactement comme quand on fournit de l'aide à des pays de cul, ben on sait pas où est l'argent. Puis là, le problème de base, là, c'est même pas la mauvaise gestion, puis c'est même pas la transparence. Le problème de base, pour en parler un moment donné, c'est qu'au Canada, est-ce que c'est normal qu'on continue encore à avoir une loi sur les Indiens? Est-ce que c'est encore normal que des gens soient considérés différents parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont sur le territoire? Moi puis vous autres, nos ancêtres sont d'ici depuis 15, 16, 17 générations, puis on a exactement les mêmes droits devant la loi que l'immigrant que ça fait 4, 5 ans qui est au Canada puis qui vient de recevoir sa résidence permanente. On est égaux devant la loi. Pourquoi qu'eux autres, parce qu'ils sont ici depuis plus de générations, devraient avoir des droits? Est-ce que c'est une... Pourquoi qu'on fait de la ségrégation? Parce que c'est ça que c'est la loi, ces Indiens. Oui, à là. Base, effectivement. Et donc, moi, puis pendant ce temps-là, il y a du monde là, qui protège ce système-là, puis aujourd'hui, on se rend compte qu'ils protègent peut-être pas pour les bonnes raisons, puis ce qu'ils ont à cœur, c'est peut-être pas l'intérêt des Autochtones, c'est peut-être leur intérêt personnel, puis il serait peut-être temps qu'un gouvernement ait le courage d'ouvrir la canne de verre, parce que ça sent pas bon là-dedans. Là.